Évasion par Clarissandre. Parfois le sort, ombre de la mort, triste sire et vil satire, telle une muse fuse et abuse. Du malheur il ouvre l'écluse et jamais ne s'excuse. Par lui percluse, vivant recluse, j'accuse et le récuse. La trêve toujours il refuse. Aucune indulgence de cette engeance, même pour l'innocence de l'enfance. Avec lui, nulle insouciance. Jaloux de sa sinécure, il m'emmure, et ce que j'endure, mes blessures, mes fêlures, il n'a cure. Quoi qu'il advienne, rien ne le freine, ni mes peines, ni ma haine. Il pose ses chaînes. Pour moi, point de repos ou de ripaille, que les mots, les cris d'entrailles. Mais vaille que vaille, même si parfois je baille, braille et déraille, oubliant mes failles, malgré les plaies, les entailles, toujours je bataille et ferraille. Si, trop fragile et gracile, souvent les âmes vacillent, au baptistère du mystère, des cieux baptisés du divin feu, mon âme en fer s'est forgée au cratère délétère de mon si douloureux enfer, et à jamais guerrière, elle rêve et espère. Prisonnière réfractaire, je suis parti. J'ai fui à bord d'un bateau le chaos de mes nuits, de ma vie. Des horizons lointains à mes murs limités, dans la nuit en écho répété, mes appels aux fées je lance, comme fil tissé d'espérance. SOS au grand thaumaturge, de mon destin le dramaturge. Les mots au cœur enlacés, ivre dire, en proie au délire qui délivre, enfin libre de vivre sur ce navire qui dévire, mais jamais ne chavire. Embarcation, au doux nom d'imagination, ma passion, mon évasion. La voile, je tire. De bord, je vire sur l'onde créatrice et salvatrice. Nouvelle tentatrice, impératrice, actrice ou cantatrice, mille vies s'offrent à mes vices ou caprices. Je vertueux ou tortueux, un esprit pris d'envie, d'appétit, de vie, qui les entrave à décider de larguer les amarres et de jeter le sort par-dessus bord, prêt à tout pour garder son dernier trésor. Clarissandre, le 22 octobre 2022.